Alcante, bonjour. Bonjour. Alors, Alcante, à qui l'on doit, entre autres, des séries comme Pandora Box, Jason Bryce, Rani, le tome 4 de 13 Mystery et beaucoup plus également. Et peut-être d'emblée, en fait, vous êtes de passage à Québec. Vous y êtes d'ailleurs depuis quelque temps déjà, arrivé un peu en amont du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec début avril. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de cette résidence-là? En fait, j'ai gagné donc une bourse effectivement de résidence qui est financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique et le Festival de bande dessinée de Québec. Il fallait renvoyer un dossier, ce que j'ai fait il y a plus ou moins 6-7 mois. J'avais été mis au courant de cette bourse par le lauréat de l'année passée, qui était Jean-Luc Cornette, que vous connaissez peut-être, qui en avait parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Donc j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être pris. Je suis arrivé le 7 avril, il y avait encore plein de neige ici à l'époque, ce qui me plaisait bien parce qu'en Belgique on n'a pas eu de neige cette année. Par contre, j'ai constaté que tout le monde ici en avait ras-le-bol de la neige. Et donc oui, je suis en résidence d'auteur, comme on appelle ça, c'est-à-dire que en fait on me facilite les choses en m'offrant un appartement qui est tout près de la maison de la littérature. Et donc je suis libre en fait de travailler sur tous mes projets. Et j'ai un projet en particulier aussi sur qui a trait au Québec, plus particulièrement à Montréal. Et c'est en lien avec les adaptations que vous faites côté jeunesse, ou c'est un autre C'est-à-dire que j'ai plusieurs projets, en fait. Effectivement, oui. J'ai des projets d'adaptation de romans jeunesse québécois, donc Bin et Léa Olivier, pour ne pas les citer. Mais en plus, dans ma candidature pour la bourse, j'avais fait des recherches sur l'histoire de Montréal, parce qu'en fait, j'étais persuadé que j'allais arriver à Montréal, mais je suis arrivé à Québec. Et j'avais appris qu'il y a eu un incendie là-bas qui a dévasté toute la ville quasiment au XVIIIe siècle, et qu'on a accusé une esclave noire africaine pour cet incendie, elle a finalement été pendue, je pense, de mémoire. Elle avait un amant qui lui, par contre, a réussi à s'enfuir. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et donc, tout ça me semblait un bon sujet de départ. Et je compte quand même aller maintenant à Montréal pour bien me renseigner sur le sujet. Oui, s'immerger un peu par les ambiances, les lieux. Parce que nécessairement, en fait, on imagine, et c'est valide aussi pour d'autres séries. Dans certaines, avec Rani, par exemple, vous êtes intéressé un peu à l'Inde. Donc là, on parle de Montréal. Il y a un travail de recherche pour réussir à, j'imagine, capter un peu l'ambiance, le lieu, l'esprit autour de la narration qu'on est en train de créer en route vers la mise en image. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu déjà l'occasion de faire quelques bandes dessinées historiques, entre guillemets, même si ça reste de la fiction. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir vraiment s'immerger sur place, enfin là où les lieux se sont vraiment passés, et de lire beaucoup de documentation, enfin même si en général quand on lit 100 textes, finalement il n'y en a que un qui va vraiment nous servir dans l'histoire, mais voilà, au moins on sera un peu moins idiot après avoir lu tout ça. Donc non, j'aime vraiment bien me documenter, oui. Et enfin, il faut dire aussi, si on remonte au départ dans votre parcours, vous étiez d'abord économiste, scénariste BD un peu à temps partiel. Vous avez fait le saut à temps plein autour de 2008, si je me trompe pas. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à décider de faire le saut après une formation en économie, de dire, OK, je me lance un peu en formule autodidacte et je me lance dans la passion que j'ai de faire du scénario BD? Ben, en fait, j'étais vraiment passionné de bande dessinée depuis mon enfance. J'ai toujours voulu, j'ai toujours aimé les histoires à la base, que ce soit le cinéma ou la bande dessinée. J'ai vraiment toujours apprécié les histoires, mais c'est vrai que j'ai commencé par des études d'économiste. Même j'ai finalement été rattrapé ma passion, puisque quand j'ai eu 30 ans, je me suis lancé petit à petit dans l'écriture de scénarios, et maintenant effectivement j'en vis à temps plein. Et vous n'êtes pas lancé à demi-mesure, en fait, de ce que j'en ai compris, vous pourrez me corriger, mais vous avez fait quelques histoires pour Spirou, oui. Et à un moment donné, vous proposez à Dupuis une série de 8 tomes. Oui, c'est vrai que je suis passé un peu d'un extrême à l'autre. Effectivement, au début, comme j'étais encore économiste, que j'avais jamais écrit de scénario, je me suis dit que le plus facile pour percer dans ce milieu, c'était de commencer avec des histoires courtes. Parce que je me voyais aussi mal à l'époque me lancer vraiment dans des grandes histoires pour un ou deux albums directement. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai envoyé un dossier avec plusieurs histoires courtes à Dupuis, qui publie Spirou. D'abord, le premier dossier a été refusé, j'en ai envoyé un deuxième, je ne me suis pas découragé. Et là, finalement, dans le deuxième dossier, il y avait plusieurs histoires qui les intéressaient, donc j'ai été les rencontrer. Et puis voilà, donc c'est comme ça, en 2002, j'ai débuté par plusieurs histoires courtes dans Spirou. Et au bout d'un moment, le rédacteur en chef m'a dit, mais tiens, on aime vraiment bien ce que tu fais, propose-nous quelque chose d'un peu plus ambitieux que des histoires courtes. Et justement, à ce moment-là, j'avais développé un projet de série qui en fait remixait, si vous voulez, des mythes grecs, donc la mythologie ancienne, avec de la technologie moderne. Ça s'appelait Pandora Box. Donc je leur ai présenté ce projet-là. Ils ont vraiment bien accroché, et donc ils l'ont accepté, ils l'ont pris, et c'est devenu ma première série. Oui, une série en fait qui, d'ailleurs en fait Pandora Box, a un ancrage réaliste, mais à travers le technologique, ça nous permet aussi dans le fond de lorgner à la frontière du fantastique d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Donc moi j'étais intéressé par garder cette espèce de référence à la mythologie, mais en arrière-plan. Mais sinon les histoires c'était vraiment du thriller, voire de la science-fiction. Donc c'était, les 8 albums se passaient dans un cadre un peu futuriste, en tout cas à l'époque. Et voilà, donc c'était un peu de fantastique, un peu de science-fiction. Et c'est devenu un peu vos séries d'apprentissage, parce que enfin on le dit, c'était pas votre formation au départ, donc ça devenait aussi surtout les premiers dans le fond où vous appreniez aussi un peu le métier de scénariste BD. Oui, mais j'ai eu une grande chance en fait, c'est que cette série était conçue comme une série de 8 histoires indépendantes l'une de l'autre. Et donc là, l'éditeur a eu l'idée de me proposer de travailler avec 8 dessinateurs différents. Enfin, 7 dessinateurs, parce qu'il y en a un qui a fait le premier album et le dernier. Et ça s'y prêtait bien, puisque c'était des histoires indépendantes, donc avec des décors différents, des personnages différents, etc. Et c'est là où je dis que c'était une grande chance pour moi, c'est que ça m'a permis de gagner énormément de temps, puisque si j'avais dû faire les 8 albums avec un seul et même dessinateur, ça aurait pris environ 8 ans, on va dire. Et là, on a réussi à sortir finalement tous les albums en un an et demi. Donc effectivement, ça a été, c'est comme si on m'avait jeté dans la grande profondeur. Et finalement, en fait, de ce que j'en ai compris aussi, si on poursuit un peu dans votre parcours, Alcante, la série vous a permis aussi de bien vous jeter dans les profondeurs, parce que ça s'est soldé avec un appel en 2006 de Jean Van Hamme qui vous a invité à scénariser un des albums de 13 Mystery. Oui, ça c'est effectivement une de mes grandes joies, une de mes grandes fiertés de ma carrière de scénariste. Donc quand j'étais jeune, il faut savoir que Jean Van Hamme était vraiment mon idole, parce que je dévorais toutes ses bandes dessinées, en particulier Torgal et 13. Quand j'ai commencé avec Pandora Box chez Dupuis, l'attaché de presse en fait, qui avait organisé une journée presse, donc avec des interviews pour moi à la sortie de mes premiers albums, savait que j'étais un grand fan de Jean Van Hamme, et donc elle s'était arrangée pour qu'on puisse manger ensemble le midi. Donc là j'ai fait sa connaissance, c'était mon premier tête-à-tête avec lui, j'étais tout impressionné. Mais le courant est vraiment bien passé, et donc effectivement un peu plus tard il m'a rappelé en me disant, mais tiens, j'ai un projet dont je voudrais te parler. Et c'était effectivement 13 Mystery, donc j'ai été engagé sur ce projet, j'étais très très très content, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'imagine que dans un contexte comme ça aussi, ça permet d'avoir accès à un certain savoir, dans la mesure où en plus Jean Van Hamme vous a accompagné aussi sur Annie, vous a proposé Annie après 13 Mystery, donc j'imagine qu'il y a une relation de mentorat peut-être, on pourrait dire, avec oui, Van Hamme. Oui, tout à fait, puisque donc sur 13 Mystery, en fait, Jean Van Hamme joue le rôle de directeur de collection. Donc c'est lui qui suit vraiment l'écriture, toutes les étapes du scénario. On en parle avec lui, donc c'est moi qui écris le scénario, mais sous son mentorat, comme vous dites. Et il y a une image pour ça que Jean utilise lui-même. En fait, il se compare souvent pour ce rôle-là, au sergent instructeur dans Un officier et un gentleman. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est un espèce de sadique qui hurle sur ses recrues, qui les fait ramper dans la boue, etc. Et donc voilà, il jouait un peu ce rôle-là, mais en toute bonne humeur évidemment. Mais c'est vrai que il m'a fait refaire certaines scènes, pas pour le plaisir de les refaire, mais vraiment en m'expliquant, tiens, cette scène-là, tu l'as fait sur 4 planches, mais je pense qu'il y a moyen de la faire sur 3 planches, le rythme va augmenter, ce sera mieux, réfléchis-y. Et effectivement, donc il m'a donné pas mal de conseils, il m'a appris pas mal de choses, et c'était très très très enrichissant de pouvoir travailler avec lui. Et en plus, vous aviez choisi au dessin François Bouc, donc ça a aussi donné une opportunité de travailler avec quelqu'un qui avait un beau bagage, en fait, qu'on pense à des séries comme Bouncer et autres, mais qui a un beau bagage aussi de séries d'action, là, un peu dans l'esprit de 13 Mystery, des séries thriller aussi un brin. Oui, c'est clair que travailler avec Jean Van Hamme et François Bouc sur une série comme 13, c'était le rêve absolu. François Bouc est un immense dessinateur, c'est aussi quelqu'un qui est très très sympathique. Donc c'était que du bonheur. Et quand, enfin, j'avais le plaisir en fait de recevoir ses planches par email, puisque lui habite en France, moi en Belgique, et je les recevais en assez haute définition. Et donc je m'amusais à zoomer le plus possible pour voir vraiment le détail de toutes ces planches, et c'est absolument splendide. C'est vraiment très très impressionnant parce qu'il travaille à un rythme assez rapide, très rapide même pour un dessinateur réaliste. Et il fait quasiment pas de crayonné, en fait il fait un espèce de storyboard mais très très très sommaire, et puis il attaque directement à l'ancrage, et oui c'est vraiment magnifique, encore plus en noir et blanc et quand on a l'opportunité de vraiment bien voir les détails. Et surtout dans un contexte où j'imagine pour vous ça devenait presque une relecture, une redécouverte de cet album-là, parce qu'il avait été écrit en 2006-2007, il a été publié en 2011 parce que ben à un moment donné les dessinateurs n'ont pas nécessairement toujours de la place, voilà. Et vous vouliez le faire avec Book, donc là finalement on se retrouve avec un décalage de presque 4 ans entre l'idée. Oui, tout à fait, donc en 2000 effectivement, vous êtes bien documenté, bien renseigné, il a été écrit en 2007 le scénario, et puis à ce moment-là avec Jean Van Hamme et l'éditeur, donc Yves Schlierf de Dargo, on s'est demandé, bah, tiens, quel serait le meilleur dessinateur pour illustrer ce scénario. Et ensemble, on a établi une liste de dessinateurs potentiels. Et tout en haut de la liste, on a mis François Bouc. Donc on l'a contacté, on lui a envoyé mon scénario. Il a vraiment bien aimé le scénario. Et donc il était tout de suite partant. Mais il nous a dit, mais malheureusement, j'ai déjà pas mal d'engagement, le Bouncer, le janitor, etc. Et donc, je veux bien le faire, mais il va falloir m'attendre. Et donc, on l'a attendu. Et effectivement, l'album est finalement sorti 4 ans plus tard, ce qui est assez tard, mais enfin, l'attente en valait le coup. Et en même temps, j'imagine que la somme d'expérience gagnée sur une série de 8 albums, plus le 13, ça donne un bon départ. Est-ce qu'on a l'impression que rendu à ce point-là, comme scénariste, dans le fond, à tout le moins dans un genre particulier, vous étiez un peu trouvé, vous étiez apte, parce que c'est en 2008 que vous avez choisi de vous lancer de manière définitive, si on peut dire, de laisser de côté l'autre métier. Est-ce que ça a joué un peu, ou vous aviez l'impression d'être un peu plus en maîtrise du médium rendu à ce point-là? Le fait de travailler avec... De toute cette somme d'expérience-là, parce que dans le fond, c'est pratiquement une dizaine de dessinateurs sur 2 ans, 2 ans et demi de travail, une douzaine de scénarios et plus. Oui, mais il y a plusieurs choses. Il y a le fait... Bon, ça a toujours été ma passion. Donc là, au bout d'un moment, je me suis dit, effectivement, finalement, j'arrive quand même à un moment où je peux en vivre vraiment. Financièrement, ça va. Parallèlement, c'est clair que quand on se rend compte qu'on peut vivre de sa passion, le boulot d'économie, tout d'un coup paraît un peu moins passionnant. C'est quand même plus gai d'écrire des scénarios que d'écrire des équations financières. Donc voilà, oui, au bout d'un moment, je me suis dit, allons-y. Et surtout que moi, j'étais arrivé à... Enfin, il fallait faire un choix. Je me suis dit, il vaut mieux faire quelque chose à 100% plutôt que deux choses à 50%. C'est très clair, donc voilà, j'ai fait le grand saut, mais je le regrette pas une seule seconde. Et ça vous a amené à traiter aussi différents styles, différents univers, donc oui, du côté du thriller, de l'anticipation, du drame, de l'aventure historique, bon, on mentionnait tantôt de l'aventure jeunesse aussi, de la BD jeunesse. Donc un plaisir à s'essayer, j'imagine, à différents styles, à essayer de rythmer, de rendre différents types d'univers. Oui, mais c'est ça qui est très très sympa aussi dans le métier de scénariste, c'est qu'on peut aller partout en imagination, on peut aller à toutes les époques, donc on peut vraiment voyager dans le temps, dans l'espace. On peut faire aussi bien des comédies que des drames, des films d'horreur, enfin des films d'horreur, des scénarios, des bandes dessinées d'horreur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de rester cantonné dans un seul type de récit, mais vraiment de faire un peu de tout. Oui, puis d'alterner, en fait, parce qu'il y a beaucoup de séries, je pense que c'est quelque chose qui est très présent, mais en parallèle, vous avez aussi quelques one-shots qui viennent ponctuer. Il y a des séries de one-shots aussi comme Pandora Box, donc c'est, j'imagine, une gestion différente quand on gère un univers qui va se développer comme Rani sur 8 albums où c'est la même histoire, versus une série de one-shots avec quand même un style qui les lie, versus des one-shots plus classiques, versus une intégration comme 13 à un univers existant, donc c'est plein de relations différentes. Oui, mais j'avoue que j'ai plus, enfin, j'ai une préférence quand même pour les one shot. J'aime bien écrire une histoire et connaître assez rapidement la fin. Aussi comme lecteur, quand il y a trop d'albums et que ça commence à un peu s'enliser, ouais, j'aime moins ça. Donc en général, souvent d'ailleurs, quand je pense à un scénario, une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est la fin. Et souvent, ça se termine relativement mal avec un personnage qui meurt, donc c'est difficile de faire une suite après ça. Mais voilà, donc souvent, j'écris effectivement des one-shots. J'aime bien ça. Enfin, et... quand je dis one-shot, ça peut être aussi en deux albums ou quoi, mais une histoire relativement courte et pas une série avec un personnage qui revient d'album en album. Et donc, d'une certaine façon, l'idée qui vous vient au départ, c'est comment l'histoire devrait se terminer, puis après ça, on travaille un peu à rebours pour voir comment on se rend à ce point-là. Est-ce que c'est un peu l'approche que vous préconisez? Moi, je préconise pas vraiment spécialement d'approche, parce que je pense vraiment que chaque scénariste a sa propre approche en fonction de ses goûts, de son expérience, etc. Mais en ce qui me concerne, j'ai souvent... la fin me vient rapidement à l'esprit. Donc... J'ai en général, je pars d'une idée, ça peut venir d'une phrase que j'ai entendue, ça peut venir d'une image que j'ai vue, et puis j'essaye de développer un peu cette idée. Donc forcément, j'ai le début très rapidement, j'ai la fin très rapidement aussi en tête d'habitude, et puis ça, c'est mon grand souci, c'est comment est-ce que je fais pour passer du début à la fin. C'est le milieu du récit qui est le plus difficile pour moi. Forcément, le début, on sait un peu, on doit présenter les personnages, on doit faire sentir un peu le but du personnage principal. Il y a des choses, il y a des éléments qui s'imposent un peu d'eux-mêmes. La fin, on doit clôturer, donc c'est relativement facile aussi, on sait ce qu'on doit faire, clôturer toutes les intrigues, mais entre les deux, il faut vraiment développer plusieurs dizaines de pages qui restent intéressantes, qui restent passionnantes, qui sont logiques aussi et qui sont surprenantes à la fois. Donc c'est le milieu qui est le plus difficile pour moi, c'est clair. Oui, pour garder le rythme, pour pas tomber non plus, j'imagine, parce que si on parle par exemple d'un récit d'anticipation, c'est un récit qui est quand même assez codifié en roman. Bon, il y a des éléments incontournables au cinéma aussi, donc de jouer avec les attentes un peu, de pas faire une recette. Voilà. Un bon scénario, c'est un scénario qui est à la fois logique et surprenant. Et donc, c'est difficile de trouver le juste milieu, parce qu'en général, quelque chose de logique, c'est quelque chose de plus ou moins attendu. Mais si c'est trop attendu, c'est embêtant. Donc, il faut que ce soit surprenant. Et pour ça, il faut essayer de trouver. Il y a des petites ficelles qu'on peut utiliser, des petits trucs de scénariste. Mais il faut quand même essayer de se renouveler à chaque fois. C'est là que vient tout l'effort. Et en parallèle, à travers tout ça, on travaille aussi avec une pléiade de dessinateurs. En fait, il y en a quand même beaucoup avec qui vous avez collaboré. Certains sur des séries où c'était sur les 8 albums, d'autres, on le disait, sur des one-shots et autres. Est-ce que le scénariste adapte un peu son approche, ce qu'il va rendre en scénario en fonction des attentes du dessinateur? Ou comment se passe un peu les collaborations multiples comme ça? Mais ça dépend. En fait, au début, j'écrivais vraiment mes scénarios sans avoir la moindre idée du dessinateur. En tout cas, Pandora Box, j'ai écrit quasiment toutes les histoires. En tout cas, j'ai remis le dossier de présentation à l'éditeur sans avoir le moindre dessinateur. Et donc après, ce chemin-là. Après, on est parti à la recherche du meilleur dessinateur pour chaque histoire. Il y a en tout cas, par contre, une histoire que j'ai écrite vraiment pour un dessinateur, une dessinatrice en l'occurrence, c'est Fanny Mongermont. Donc là, j'avais en fait écrit un premier scénario qui s'appelle Quelques jours ensemble, qui avait été publié dans Air Libre, pour lequel on avait longtemps cherché un dessinateur. Finalement, on était tombé sur Fanny Mongermont, donc une dessinatrice française. Et son travail me plaisait tellement que quand elle est arrivée à la fin, tout doucement, de ce premier album, je me suis dit, mais j'aime vraiment trop son dessin, il faut que je trouve une autre histoire pour continuer cette collaboration. Et donc là, j'ai vraiment inventé une histoire en me disant, ce sera une histoire pour Fanny Mongermont. Et je sais pas pourquoi, en pensant à son dessin, en regardant son dessin, qui est vraiment très très beau, c'est à l'aquarelle, elle fait ses couleurs elle-même, j'ai eu des images de désert qui me sont venues en tête, à l'esprit, mais un désert bien particulier qui est le désert d'Atacama, qui se trouve au Chili, que j'ai eu l'occasion de visiter parce que mon frère habite au Chili. Et donc voilà, tout est parti de là. Je me suis dit, ben voilà, son dessin à l'aquarelle, ça irait bien avec les ambiances que j'ai vues là-bas. Et donc j'ai commencé à réfléchir à une histoire qui pouvait se passer là-bas, et donc j'ai écrit toute une histoire pour elle. Donc voilà, tout est possible. Soit on peut vraiment écrire tout le scénario à l'avance et puis partir à la recherche du dessinateur, soit au contraire partir vraiment d'un type de dessin, donc d'un dessinateur ou d'une dessinatrice bien précis ou bien précise, et puis écrire le scénario qui lui convient le mieux. Et d'adapter, j'imagine aussi, dans le niveau de détail dans lequel on va rendre le scénario, le découpage, le contenu des cases, quelle liberté on laisse au dessinateur, quelle contrainte, quel élément on lui demande plus formellement de mettre de l'avant, etc. Voilà, au début, j'avais tendance à être très descriptif, donc très directif aussi, forcément, donc en disant, voilà, un gros plan sous tel angle, par exemple, au lieu de dire simplement un chevalier muni d'une armée, j'allais décrire en détail l'armure, l'épée, si elle est incrustée de diamants, si le manche est comme ceci ou comme cela. Donc, mais ça, finalement, les dessinateurs de manière générale ne sont pas trop demandeurs, donc parce que sinon ça leur enlève un peu ce qui fait le sel de leur travail. Finalement, c'est aussi, ils doivent aussi pouvoir imaginer quand même. Si on leur donne trop de contraintes, forcément c'est moins gai pour eux. Donc maintenant j'ai des descriptions plus sommaires, mais effectivement ça dépend quand même des dessinateurs. Il y a des dessinateurs qui aiment bien ou qui ont besoin quelque part d'être très encadrés, d'autres dessinateurs qui au contraire veulent le minimum de contraintes entre guillemets. Donc voilà, oui, là aussi on s'adapte. Et en même temps, j'imagine qu'il y a un plaisir aussi à travailler, à développer une série avec un même dessinateur. En fait, je pense par exemple aux 8 tomes de Rani que vous développez, donc c'est avec la même personne. Donc il y a l'occasion, j'imagine, de créer une relation plus sur une durée plus longue. Oui, quoique Rani, c'est un peu un cas particulier parce que là aussi j'ai été appelé par Jean Van Am pour collaborer avec lui, et le dessinateur avait déjà été choisi, donc j'ai pas eu mon mot à dire dans le choix du dessinateur, mais bon, j'en suis très content. Forcément, Francis Vallès fait du super boulot, et j'ai pu effectivement le rencontrer. On est allé, enfin je suis allé chez lui le voir en France, on a visité sa région, on a parlé d'éventuellement faire un second cycle de Rani après le premier, et bah oui, donc là ça fait un certain temps que je le côtoie, puisque la série a commencé, je sais plus, en 2009, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà, oui, 7 ans, et il en a encore pour 3 albums, donc minimum. Donc oui, il y a parfois des longues collaborations qui se nouent. Et dans le contexte de Rani, d'ailleurs, si je me trompe pas, il y avait une histoire pour France 2, il y avait une histoire en BD, et c'était dans le fond des synopsis à partir desquels vous travaillez. Van Am lui développait l'histoire pour la version France 2, vous pour la version BD. Et donc c'est finalement deux univers, mais à partir d'un même synopsis, donc imaginez la même histoire, mais forcément de manière différente aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'origine, en fait, Jean Van Am avait écrit cette histoire dans le but d'en faire une série télévision, qui a intéressé assez vite des producteurs, mais les producteurs ont eu un peu de mal à lever le financement, puisque bon, c'était pas léger, forcément, une série historique en Inde, c'est pas gratuit. Donc ça a un peu traîné, et entre temps le Lombard a eu vent de ce projet et a proposé à Jean Van Am de l'adapter en bande dessinée, et lui a dit mais oui ça m'intéresse mais j'ai pas le temps, et donc bah, là Rebelote il m'a appelé en me demandant si ça m'intéressait de m'en charger, donc j'ai dit oui évidemment parce que travailler avec Jean Van Am ça ne se refuse pas, en tout cas pas pour moi. Donc je me suis lancé dans l'aventure, et effectivement ben, finalement le feuilleton télé a pu se faire, a été diffusé notamment sur France 2 ou sur la télévision belge, mais moi j'ai pas voulu partir de la toute dernière version dialoguée, donc la continuité dialoguée, parce que sinon ça aurait été un peu trop du copier-coller. J'ai pas voulu voir la série non plus, à l'exception des deux premiers épisodes que Jean Van Am m'avait invité à aller voir chez lui. Donc je suis parti effectivement de son synopsis, c'est-à-dire une version antérieure du scénario, et sans dialogue. Comme ça j'ai pu écrire moi-même les dialogues et être un peu plus... quand même pouvoir créer quelque chose. Et à l'arrivée, en fait, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu en tout cas des deux premiers épisodes aussi, mais le scénario pour la série télé, les dialogues, ben finalement c'est des dialogues qu'on va entendre, ils sont prononcés par des acteurs, tandis que les dialogues qu'on a dans la BD, c'est des dialogues qu'on lit. Et donc j'ai pu me permettre quand même d'être plus littéraire entre guillemets, d'utiliser plus de vieux français, des tournures de phrases un peu plus alambiquées, etc. Pour l'anecdote d'ailleurs, j'étais allé me renseigner, j'avais revisionné le film Les Liaisons Dangereuses, qui se passe à la même époque, parce que je trouvais que c'était vraiment un film où les gens s'envoient les pires saloperies à la figure, mais avec le sourire. Avec le sourire, et tellement bien formulé que voilà, c'est un peu ce que je voulais faire aussi comme genre de dialogue. Et en parallèle, en fait, la vie compliquée de Léa Olivier Bin, donc là vous tombez dans le jeunesse, un désir d'expérimenter avec quelque chose de complètement autre avec ces deux séries là. Oui, c'est-à-dire que là, en fait, donc il y a les deux romans, Bin et La vie compliquée de Léa Olivier, qui sont des tout gros succès ici au Québec. Et les droits ont été rachetés par un éditeur belge pour les publier en France et en Belgique. Et cet éditeur est en fait l'ancien patron de Dupuis, qui a finalement quitté Dupuis, qui a fondé sa propre maison d'édition. Et donc lui m'a contacté au bout d'un certain temps en me demandant si je voulais pas me charger de l'adaptation bande dessinée de ses romans. C'était très différent de tout ce que j'avais fait jusqu'alors, et justement, c'est quelque part, c'est ça qui m'a attiré, parce que jusque-là, j'avais fait tout le temps des thrillers, des drames, et j'avais justement envie d'un peu changer, de faire quelque chose de plus léger, entre guillemets, dans le bon sens du terme, et de m'attaquer effectivement à des séries jeunesse. Donc ça tombait très bien. Je pense que le terme s'attaquer est pas mal choisi non plus, dans la mesure où, dans le cas de Léa Olivier par exemple, on parle de romans de 350 pages, un récit axé sur les sentiments que vous devez adapter dans le contexte d'un récit d'action et de dialogue. Ça ne devait pas être évident. Non, c'est très difficile. Bin pour ça est assez... plus facile à adapter en bande dessinée, ça s'y prête mieux parce que c'est un garçon à qui il arrive pas mal d'aventures, donc il y a beaucoup d'action, tandis que Léa Olivier est plutôt vraiment dans la réflexion, les sentiments, c'est très adapté au roman, donc elle décrit vraiment son monde intérieur, ce qu'elle ressent par rapport à ses amis, à ses amoureux, toutes les petites trahisons, tous les petits drames qu'on peut vivre quand on est une jeune adolescente. Donc elle parle beaucoup de son monde intérieur, mais pour une bande dessinée, on peut pas se retrouver avec des tonnes de textes, pas tout le temps en tout cas, et donc il fallait essayer de mettre ça en image. Donc forcément, il y a certaines scènes où ça s'y prête très facilement, mais globalement, c'était quand même assez difficile. Là, on a utilisé des petits trucs de BD pour vraiment rendre le tout visuel. Par exemple, à un moment donné, dans le premier tome, Léa se rend à une soirée. Et toutes les filles qui sont à cette soirée en fait sont plus âgées qu'elle et sont vraiment très très élégantes, très très bien habillées, et donc Léa se sent vraiment très mal par rapport à ça, et elle décrit en détail comment étaient habillées les unes et les autres, comment elles étaient maquillées, comment elles se sentent moches, lourdes, etc. Et donc plutôt que de mettre tout ça sous forme de dialogue, quand elle arrive à cette soirée, tout d'un coup je l'ai représenté sous la forme d'un petit canard, et tous les autres sont des grands cygnes blancs, et elle est le vilain petit canard. Voilà, et donc comme ça en une image on essaye de faire passer les mêmes sentiments, mais visuellement plutôt que à travers les mots. Exactement, et là ça évite des longues descriptions, ça nous permet d'aller plus directement, voilà, parce qu'en même temps on a aussi la contrainte d'espace qui est pas du tout la même que dans le roman. Oui, et pour Léa Olivier c'était devenu un petit souci parce que les romans deviennent de plus en plus épais, il y a de plus en plus de pages, et donc d'ailleurs pour le tome 4, à partir du tome 4 on va passer à deux bandes dessinées pour un roman, sinon on était trop serré. Alcante, merci beaucoup. Merci à vous.